donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Apprendre ce nouveau pas. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Jolly de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et RIGFM.fr sur le net. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission très très spéciale aujourd'hui, puisque on fête la 500e émission de Jolly de A à Z sur RIG. Et pour cette grande occasion, je ne serai pas seul pour vous présenter le coffret Bercy. J'ai deux invités qui m'accompagneront tout au long de cette spéciale. Ont eu le plaisir de me rejoindre Jean-François Chenu, consultant sur l'exploitation du catalogue Johnny Hallyday chez Universal France, et Xavier Perrault, chef de projet Back Catalogue chez Universal France. Tout au long de cette émission, je vous diffuserai des extraits des Bercy suivants, 87, 90, 92, 95, et également des comparatifs sur les versions originales sorties à l'époque avec le mix 2022. Également participeront à cette émission les ingénieurs du son du studio Townhouse qui ont travaillé sur ce coffret, Jean-Étienne et Geoffroy. Mais voici mes invités. Bonjour Jean-François Chenu. Salut Eric, écoute, ça me fait plaisir donc qu'on se retrouve. Pour une fois, on n'est pas dans ton studio radio, on est dans un autre studio, dans ton domicile. Et c'est pour la 500e de Johnny de A à Z, donc c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi et de parler et d'évoquer les Bercy de Johnny. Bonjour Xavier Perrault. Comment vas-tu? Bonjour Eric, je vais très bien, merci. Je te présente voilà, Jean-François Chenu avec moi. Enchanté. Bonjour Jean-François, que je connais très bien. Non mais oui, il ne faut pas que ça, faut que ça soit naturel les gars. Soyez pro, Mass. Ravi de participer à la 500e émission de Johnny de A à Z et d'évoquer avec vous le coffret Bercy qui va sortir à Noël, le 2 décembre précisément. Exactement. Enfin, que peux-tu nous raconter justement sur ce coffret Bercy, l'envie d'avoir eu ce projet justement? La genèse. Quelle est la genèse? Alors, l'histoire du coffret, en fait, elle part de un petit peu de ce qu'on avait fait autour de l'Olympia, c'est-à-dire de réunir les lives de Bercy, comme on l'avait fait pour l'Olympia, que Universal Music Control, donc ceux de 87, 90, 92, 95 et 2003. Voilà, ça c'est le point de départ. On a donc travaillé, comme bien évidemment, on savait très bien que ces lives avaient déjà fait l'objet d'une publication, même de plusieurs pour certains d'entre eux, compte tenu de l'intégrale live parue en 2003. Donc l'idée a été la suivante, ce qui nous a permis de travailler à la base, c'était de repartir des différentes captations qu'on avait de chacun de ces lives. Je précise que les maisons de disques, en général, captent plusieurs soirs du concert. Pas tous les soirs, je précise bien. Il y a en général entre 3 et 4 soirs qui sont captés par la maison de disques avec un vrai système, avec un ingénieur du son, avec une table de mixage spécialement dédiée pour ça. Quand la maison de disques décide de capter le live, elle fait intervenir un ingénieur du son qui vient avec son studio mobile. Souvent, par exemple, on l'a pu le voir, c'est le voyageur. Et donc, c'est un enregistrement qui se fait sur des multipistes, d'accord ? Où on a chaque musicien séparément sur une piste. Ça, cet enregistrement donc multipiste est à dissocier de l'enregistrement qui peut éventuellement être fait par l'ingénieur du son qui est lui présent tous les soirs pour mixer le son de la salle, d'accord ? Et parfois, il existe des sorties console de ces enregistrements. C'est souvent le travail en général de Jean-Pierre Janiot qui fait ces captations-là à partir de 87, c'est-à-dire que c'est lui l'ingé son qui va faire ses mix pour le public qui est dans Bercy. Les musiciens font leur balance l'après-midi et le soir du concert, donc ça permet à l'ingénieur du son de régler, de prendre ses marques par rapport à la salle, ça a besoin d'être préparé, d'où la balance. En fait, j'ai eu la chance d'aller une journée avec 3 ou 4 autres personnes, plus Xavier Perrault bien sûr, au studio d'Anaos, rencontrer ces ingénieurs du son. L'originalité qui était la mienne par rapport aux gens qui étaient là, c'est que j'avais vu tous les Bercy et je les avais vus plusieurs fois. Alors qu'eux ne les avaient pas vus, ils les ont écoutés, ils les ont entendus, mais ils n'étaient pas présents au spectacle. Même Xavier n'a pas vécu ces Bercy, il est plus jeune, et il ne travaillait pas du tout sur Johnny à ce moment-là. Et puis peut-être qu'il n'était pas fan de Johnny non plus. il est venu assez tard. Donc si tu veux, c'était l'idée, c'était que j'évoque avec eux à la fois mes souvenirs, qui était quand même assez précis. Et puis, le message que je voulais leur faire passer, c'est qu'il y avait sur chaque Bercy vraiment une couleur différente. Chaque Bercy, il se suit beaucoup les Bercy 87, 90, 92, 95. Mais en fait, à chaque fois, tout est remis à plat. C'est un spectacle complètement différent. Les orchestrations sont différentes, les arrangements sont différents, le son est différent, le track listing est différent. Il y a plein de choses vraiment à redécouvrir dans ces track listings. Moi, j'ai particulièrement redécouvert 92, un concert que j'écoutais pas beaucoup, et qu'avec eux, en l'écoutant, j'ai pris un plaisir fou à le réécouter et à me dire, mais dans le tracklisting, il y avait vraiment des choses très très originales, ne serait-ce que Ressortir pour moi, tu es la seule, par exemple, qui était une vraie surprise. Et donc, j'ai essayé de leur décrire un petit peu l'ambiance, le style musical, et c'est là-dessus que je leur ai dit, essayer d'insister là-dessus pour bien différencier de ce qui a déjà été fait et montrer que chaque Bercy a sa propre couleur. Hey, Johnny de A à Z, la 500e émission. Mon petit loup, extrait de la captation du Bercy du 24 septembre 1987, mixage et master 2022. C'est la 500e émission de Johnny 2 à Z. À l'occasion de la sortie du coffret Bercy Mix 2022, j'ai eu l'occasion d'interviewer les ingénieurs du son du studio Townhouse, Jean-Étienne et Geoffroy. Bravo pour le travail que vous avez effectué sur le nouveau mix de ce coffret Bercy. Ah bah merci, d'accord. Et quand l'ai écouté, j'ai dit waouh, quelle bombe, c'est de la bombe. Ah bah c'est super, on est assez content aussi du résultat. C'est de la bombe, vraiment, on redécouvre le concert. Ouais, tout à fait. Carrément. La voix de Johnny est mise en avant. Il n'y a pas eu de trucage dessus, parce que j'ai l'impression que dans les mix au précédent, la voix de Johnny était un peu, on va dire, un peu truquée, avec un peu d'effet. Pas spécialement, il rajoutait de la réverb dessus. Mais il y avait beaucoup de réverb. Et ça ouais, réverb, vous l'avez nettoyé un peu, la réverb. Hein. Ah bah en fait, on a arrêté de nettoyer, surtout qu'il mettait la pièce vachement forte, il mettait beaucoup de pièces. Nous, on a enlevé ça, en fait. C'est ça, l'idée, c'est que quand tu mixes des albums qui sont pris dans des grandes salles comme ça, il y a beaucoup de contraintes, finalement, parce qu'il y a beaucoup de micros d'ambiance qui prennent beaucoup d'orchestre. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de repistes aussi sur scène entre les micros. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent, assez évolués, qui nous permettent de traiter chaque micro et d'enlever beaucoup de repistes, d'isoler beaucoup mieux les pistes, ce qui nous a permis de récupérer un équilibre différent, en tout cas, entre la proximité et le son de la salle. Quoi. Et quelles étaient les consignes de la maison de disques Universal par rapport à cette remasterisation de ces concerts alternatifs? Il y en avait pas vraiment. En fait, on s'est concerté avec les quelques entre guillemets fans et gens qui connaissaient vraiment très bien Johnny. Et puis on s'est mis d'accord sur le fait de se dire que on allait traiter le live comme si finalement on était devant la scène en fait. Mm-hmm. Ouais. Et donc avec la précision que ça implique, l'énergie que ça implique, justement le fait de qu'il y ait moins de réverb, qu'il y ait moins de la pièce. Peut-être aussi atténuer. On est d'accord là-dessus, quoi. Mettre les guitares un peu plus fortes, d'enlever un peu le côté 90. Ouais. 80. Voilà, l'idée c'était ça. On est tombé d'accord, en fait, c'est un consensus entre Universal, quelques personnes, quelques fans, et puis, bah, puis nous, qui avions pris cette décision-là. L'idée c'était de ramener quelque chose de plus naturel et puis d'appuyer le côté blues et rock, quoi. Exactement, parce que chaque concert, vous avez pu refaire à une chaleur particulière également. Ah, tout à fait. Ouais. Les années 80, c'est plutôt assez synthétique. Le Bercy 90, c'était, on va dire, un son plus brut, plus rock, on va dire. 92, ouais. Bah, c'était à peu près pareil, hein, le 92. Et le 95, on va dire, il est plus, c'est rock blues, c'est plus bluesy. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Bah, avec les Américains, là, ouais, avec puis ouais. Le fait qu'il y ait un 3 sur 7, là, un album sur scène, ça a pas mal changé. Juste une petite truc à rajouter, on les a remixés et non remasterisés, enfin, on les a aussi masterisés, mais c'est juste sur la terminologie. Oui. C'est qu'on est reparti des multipistes et non stéréo pour retravailler. Il faut vraiment faire la différence entre remixer un album et la remasterisation, en fait, de compte. Voilà, alors remixer, on repart des pistes séparées, ouais. En fait. Donc, quand ils enregistrent un live, ils enregistrent une quarantaine de pistes qui correspondent au nombre d'instruments et au nombre de micros qu'il y a sur scène. Et là, vous travaillez sur combien de pistes exactement? Bah, ça dépendait des lives, mais sur le 90-92, il y avait facilement 48 pistes. Ah ouais. Au minimum, quoi. Là, c'est bien chargé, oui. Il y a basse, batterie, deux guitares, deux claviers, une section choriste, une section de cuivre. Et à chaque fois, tout est séparé. Hein. Exactement. Il y a un micro par instrument, enfin par personne. Ouais. Et les claviers, en général, c'est des stéréos, donc il y en a deux. Et la batterie, il y a 8 à 10 micros sur la batterie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. D'où la nécessité, pour arriver à un résultat plus avec cette fameuse proximité, d'isoler correctement tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est ça, donc c'est vraiment un son actuel que vous avez mis en avant. C'était un peu l'idée. C'était l'idée, ouais. De remettre un peu plus d'actualité dans ces lives-là, ouais. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Pour vous prouver encore une fois la qualité des masters de ces captations inédites et pour vous donner envie de les écouter et de vous procurer ce coffret Bercy, Jean-Étienne des studios Townhouse vous a préparé des comparatifs de la version sortie de l'époque, Connemara A, et de la version 2022, Connemara B. C'est le principe du AB. Le premier comparatif est sur le titre « Le chanteur abandonné ». Nous allons commencer par la version d'origine sortie en 88, donc A, et après nous allons sur le mix de 2022, et ceci en alternance. C'est un chanteur abandonné, qui a vécu sans se retourner. Dire que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, et lui, il se demande qui il est. Jean-François, qu'en penses-tu ? Le son que tu viens de me faire écouter, on entend bien la différence entre le son de 87 et puis celui qu'il propose dans cette nouvelle version. Et je leur ai dit, essayez de gommer le plus possible le côté synthé de l'époque pour privilégier certains instruments comme les guitares de Norbert Krief et de Hugo Ripoll qui étaient très très présentes dans le spectacle. C'était difficile pour eux parce que 87, il a déjà été retravaillé, il est déjà ressorti dans des projets, donc c'était pas le plus évident. Et là, c'est aussi... C'est intéressant parce que Bercy 87, c'est une révolution. Alors, t'as un peu l'impression qu'ils remettent les pendules à zéro. Bah oui, parce qu'ils viennent quitter le dernier concert qu'il a fait, c'était le Zénith. Le Zénith, bon. Et là, t'as 14 nouveaux titres. Et des tubes. Et, sept, et une grande majorité de tubes. Voilà, de Goldman et de Berger. Les deux albums ont très bien marché. Et t'as une mise en scène donc, de Michel Berger, qui fait davantage appel à une forme de sobriété, ou en tout cas de rigueur, mais avec des effets spéciaux. Et puis surtout, ça termine... pour la première fois, par une balade. Mmh. Et jamais, il terminait par un titre lent. Et donc là, c'est il termine par Tennessee. Et donc ça, c'était vraiment une surprise. Alors, 90, il va terminer par l'envie. Et donc là, c'est pas du rock'n'roll, mais bon, ça termine quand même sur un rythme fort. Et 92, il revient au medley de rock'n'roll qu'il n'avait pas fait donc depuis un bon moment. Depuis le Zénith, finalement. Parce que le Zénith, c'était quand même très rock'n'roll. Le il s'est éloigné quand même, après de Bercy 87. Il s'est toujours après éloigné. Il est revenu un peu, on va dire, la sobriété, jusqu'après, en revenir sur du rock. Oui, de toute façon, ils ont gardé les grands principes que Berger avait mis en place. Et Bernard Schmitt, qui était assistant sur 87, il était surtout responsable des vidéos. C'est la première fois en 87, tu as des vidéos aussi. L'image va servir pour la première fois un spectacle de Johnny. Donc il y a des clips. Y a le fameux clip que je t'aime. Que je t'aime, voilà. cette très jolie jeune fille qui se dénude devant tout le monde. Mais il y avait aussi sur Qui ose aimer, par exemple, une vidéo assez sympa. Ça, c'était Bernard Schmitt qui faisait. Et Bernard Schmitt, qui est responsable de la mise en scène de 90, garde à l'esprit. Je sais qu'il a dit, j'étais très inquiet de savoir ce que Michel Berger avait pensé de ce que j'avais fait, et puis bon, ça s'était très bien passé. Donc il était content. Et ils ont gardé toujours un petit peu ces principes-là. D'abord, enfin, ce que je ressens, moi, ce que j'avais ressenti, et je pense que c'est vrai, c'est d'abord servir l'interprète. C'est-à-dire que c'est vrai rappelons-nous quand même, en 84, les choses vont pas très très bien sur le plan discographique. Il a ses derniers albums n'ont pas été cartonnés, il n'y a pas de tube et tout. Mais. Il s'est quand même repositionné sur la scène rock de façon remarquable avec les Enfants du Rock. Ça, c'est pour fidéliser de façon publique de base. Mais il va surtout évoluer de façon considérable avec l'arrivée de Berger et de Goldman. Il va gagner un nouveau public. Il va élargir son public. Et le patron de l'époque, de sa maison de disques, qui est nouveau aux manettes, a dit « Mais attendez, on a un diamant entre les mains et il faut lui donner les moyens de s'exprimer. » C'est-à-dire, on ne va pas faire trois albums par an, on va faire un album, on va mettre les moyens, on va prendre le temps, et voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est une succession d'albums qui sont quand même dans l'ensemble très réussis, qui marchent tous très bien, et qui sont des supports de chacun d'un spectacle qu'il va faire. Johnny de A à Z. La 500e, en exclusivité, le coffret Bercy. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Et je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. et entendre la vie et ne plus m'échauffer, je t'écris. Ils ont des chaînes sans peur le jour et ma peine forçable de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Ils ont des chaînes sans peur le jour et ma peine forçable de l'amour. J'y refusais. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Oui, je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus esclave de ta chair. Ils ont des chaînes sans voir le jour et t'es ma peine pour faire de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Ils ont des chaînes sans voir le jour. Et refuser pour rien au monde je m'attends. Hey, j'ai refusé pour rien au monde je m'attends. J'ai refusé pour rien au monde je m'attends. Peut-être tu peux nous dire un petit mot sur le sixième DVD qui accompagne donc tout bah alors, y a, pour ce qui est du DVD, alors nous aujourd'hui on a la chance d'avoir à notre disposition un catalogue exceptionnel qui est celui qui a été filmé par Patrice Golupo. Entre, on va dire, il a commencé vers la fin des années 90, 89 je crois, c'est les tout premiers. Toutes premières images qu'il filme jusqu'au début des années 2000. Jusqu'en 2003, justement. Au départ, bien évidemment, comme on le sait, c'était pour. Il est parti sur le road trip, qui a été son premier grand projet avec Johnny en 90. Mais on va dire que c'est au fil du temps qu'il s'est lui aussi un petit peu autorisé à aller un petit peu plus loin à chaque fois. Quand arrive 90, il commence un petit peu à filmer. Donc là, on a certaines images, des répétitions du Bercy 90. Et donc, ces images sont des images d'archives. Elles sont filmées avec la caméra. Et parfois, il y a une, parfois, il y a deux caméras. Mais la plupart du temps, il n'y a qu'une seule caméra. Donc, ce n'est pas toujours filmé de façon très, très académique parce que la caméra est portée à l'épaule. Mmh. Et le cadreur, donc Patrice, en l'occurrence, se déplace. Et des fois, le plan n'est pas très clair. Le son qu'on entend également est le son de la caméra, donc qui est d'une qualité, on va dire, moindre que celle qu'on aurait si on avait eu une captation, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec un ingénieur du son et des multipistes. Mais c'est des images magnifiques. C'est des images que très, très peu de gens ont vues, qui sont pour beaucoup d'entre elles totalement inédites. Donc, il commence à le faire en 90. Ça monte vraiment en puissance en 92 et en 95, c'est installé. C'est-à-dire 95, il filme beaucoup de choses. Donc, il y a à la fois les répétitions avec les musiciens, donc qui se font dans un studio, souvent un studio Long Courrier, mais pas que. Il y a ensuite les répétitions sur scène, c'est-à-dire que là, ils sont installés à Bercy. Il y a parfois le filage. Le filage, c'est on va dire une répétition, mais en condition de concert, c'est-à-dire que peut arriver que même les musiciens sont dans la tenue dans laquelle ils vont jouer. Il y a tout le déroulé du concert, du début à la fin. Simplement, il n'y a pas le public, en fait. C'est vraiment les derniers réglages avant le jour J. Et donc, 95 est assez riche pour ça. On a choisi, parce qu'on n'a pas pu tout mettre. Ce qu'on n'a pas mis, c'est quand les chansons n'étaient pas suffisamment complètes. C'est-à-dire qu'il y a parfois des bouts de chansons. Mmh. On n'a que le début, on n'a que la fin, on n'a que le milieu. Donc là, c'est vraiment incomplet. On a mis quand on avait l'intégralité de la chanson, bien sûr. Et quand on avait suffisamment de la chanson, les trois quarts, les deux tiers, pour que ça puisse vraiment que les spectateurs puissent se rendre compte de ce qui se passait à ce moment-là. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus importante de ce projet, de ce DVD bonus, hein. C'est des images deux images de Johnny que les gens n'ont, on peut ou quasiment jamais vu. Il y a beaucoup d'inédits, encore une fois. Johnny de A à Z, la 500e émission. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Et quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit, on ne va pas y passer la nuit. La gueule et moi on est sortis, on cherchait plutôt des amis. Ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout, tant que je n'aurai jamais flâné. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien droit de rêver. Mais quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, irridée. Elle m'a pas lâché d'une ombre quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Ah, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Et je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien. Émission spéciale Coffret Bercy. Xavier Perrault. Il y a également, c'était important pour nous et c'était aussi l'occasion de Bercy de mettre en avant cette équipe autour de Johnny qui va s'installer à partir de ce moment-là, c'est-à-dire l'équipe de Jean-Claude Camus avec Roger Abriol, Bernard Schmitt et Jacques Rouvérolis. Donc ces trois, moi que j'appelle mousquetaires, c'est un terme qui était intervenu je crois dans une interview qu'ils avaient donnée, mais qui leur correspond tout à fait. Je pense que c'est vraiment très juste. C'est des gens qui se sont vraiment mis au service de Johnny, de ses spectacles. Et c'est un grand plaisir que j'ai de pouvoir un petit peu les mettre en avant. Parce qu'encore une fois, on sait l'importance de la scène, que la scène représente pour Johnny. Ces hommes-là, et fait 40 ans en tous les cas pour les plus anciens, à partir des années 70, montrent à quel point ils avaient gagné leur galon de collaborateurs et à quel point Johnny leur faisait confiance. Merci à eux, chapeau, parce que c'était quand même pas toujours très simple. Et il y a bien des fois, je pense qu'ils ont dû se faire peur. Mais vraiment, ouais, je pense qu'on leur doit une fière chandelle, quoi. On peut ajouter aussi que tu as un témoignage très intéressant de Norbert Krief. J'ai un témoignage, oui, j'ai également, bien sûr, de Norbert, qui est un petit peu le musicien qui va être celui qui va suivre Johnny de 1987 à 1993. Et il décide, lui, en fait, de reformer à ce moment-là Trust. Donc, il va quitter Johnny. Mais Johnny l'aimait beaucoup. On voit beaucoup d'images où ils sont ensemble. Il y a une vraie connivence entre les deux. Norbert explique que Johnny lui demandait souvent de lui expliquer, de lui montrer des trucs à la guitare, des accords, des choses comme ça. Et Norbert, avec beaucoup de gentillesse, de disponibilité, et montrer à Johnny des petits trucs comme ça, c'était assez marrant. Et puis, il y a aussi l'intervention de Monsieur Chenu, quand même, il faut le signaler, qui nous fait une revue de tous ces Bercy-là, en les recontextualisant et en les resituant dans le temps par rapport à d'une part, bien évidemment, la production de l'époque, mais également la carrière de Johnny. Et ça permet de comprendre quand même à quel point, bien évidemment, les albums de Berger et Goldman qui sont parus en 86 et en 87 sont importants. On va dire qu'ils sont importants pour le grand public. C'est-à-dire que c'est évident que ça va permettre à Johnny d'élargir son public, de toucher une nouvelle génération de spectateurs. Mais en même temps, ces Bercy sont aussi la volonté d'un groupe, quoi. C'est pour ça que l'équipe de Camus est très importante. C'est-à-dire que Johnny n'aurait pas pu faire ces shows-là sans eux. Et même si le succès studio des albums studio de Berger et Goldman est indéniable, le succès de ce qui va se passer après, de cette production que, avec l'accord de Johnny, Camus décide de reproduire à l'identique en province, dans les Zéniths notamment, par exemple, c'est important. En fait, c'est là qui va allier aussi, qui continue de conquérir ce public-là et qui montre à quel point, enfin, que c'est un homme de scène, quoi, que c'est un performeur et que là où il est heureux, c'est quand il est sur scène et que si vous venez à un concert de Johnny, vous venez voir un show, c'est vrai, mais vous venez voir surtout un magnifique et un talentueux interprète et que qui se donne, qui a. Enfin, je veux dire, nous, on le sait parce qu'on le voit, on n'arrête pas de le voir, mais c'est à quel point, moi, je pense qu'il est toujours bon de le rappeler, quoi, à quel point ce rendez-vous est important pour Johnny, est important pour son public, que c'est une communion, véritablement, qui a lieu et qui opère à ce moment-là, quoi. C'est sa plus belle histoire d'amour. Exactement. C'est, moi, je suis assez d'accord avec, cette vision des choses, c'est clair, c'est clair. Comme il marquait dessus, sur le livre de certain Jean-François Chenu. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. À présent, passons au second comparatif. Pour le deuxième titre de Bercy 87, je vous propose d'écouter Que je t'aime en partant cette fois-ci du point B, le mix 2022, vers le point A, donc le Bercy d'origine de 87, et ceci aussi en alternance. Quand ta bouche fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup, est plus pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, et toute petite voix, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Spécial 500e émission, spécial coffret Bercy. Jean-François, évoque-nous un titre fort de Bercy 87. Toute la musique que j'aime. Mais chaque version est très différente. Ouais. Celle de Bercy 90, où tu as cette chorale camerounaise qui descend du sommet de Bercy. Ils sont tous habillés avec une espèce de tenue en lamé argent. C'est un effet visuel qui est, qui est magnifique. Et il y a ce chant qui introduit la chanson, puis Johnny qui l'attaque derrière directement avec une guitare qu'il avait ramenée de son voyage aux États-Unis, là, quand il avait fait son trip tour. Ouais. Voilà. Et, c'est très différent, par exemple, de la version de 87 où il commence la chanson tout seul, sous un petit halo de lumière. Ouais. Il introduit le titre et tout. Et puis après, tu as cette explosion avec tous les cuivres qui viennent le rejoindre sur scène. Le big band de Jean-Pierre Aupert, c'était des musiciens qui avaient tous joué avec Johnny à un moment ou un autre. Et ça crée un effet incroyable parce qu'on te passe d'une espèce d'intimité à une explosion de lumière, de musique et tout. La version de 95 est aussi, elle est formidable parce qu'elle fait la jonction entre la partie acoustique et la reprise de la partie électrique. Donc il la démarre aussi sur l'avant-scène de façon très intimiste et tout. Puis il regagne le front de la scène et là, avec tous les musiciens, ils se remettent à jouer électrique. Et ça envoie énormément, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Donc c'est à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est bien sûr c'est les mêmes chansons qu'on entend, mais les versions sont tellement différentes. Tellement différentes. Et justement, c'est bon d'écouter des alternatives, justement, en version d'une année sur l'autre, d'un concert sur l'autre. Ah oui, oui. Et c'est valable pour plein de titres. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, oui, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Pour la musique vivra quand Dieu vivra le blues. Que je t'aime, que j'ai mal en crevé. Permets, je chante quand même la prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Boy! mes joies, oui, j'ai aimé mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, la noire lui donnait le jus. Chanter les peines et les espoirs. On chante Dieu et puis l'amour. L'air de ça veut dire que le thème. Je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. Et elle vient de là et elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues. Wow! En exclusivité, le coffret Bercy. En 87 aussi, il y a un titre qui est introduit de façon assez amusante. Tu te souviens, c'était le bon temps du rock'n'roll, où il y avait des extraits vidéo d'animateurs américains qui disaient tout leur mépris pour cette musique, qui leur faisait penser à une musique qui ramassait le blanc au niveau du nègre. Enfin, c'était vraiment un racisme épouvantable. Et donc, qui détestait, qui cassait le disque en direct. Sur le trône de la table. Ouais. Voilà. Et derrière, donc, Johnny qui interprète ce morceau, qui est un morceau magnifique, un morceau de Bob Seger, qui fait partie des grands classiques de son répertoire. Ça, c'est un beau souvenir de Bercy 87. Mais il y en a plein quand tu prends tous ces spectacles. Rock and roll, la disparition. s'arrête. À partir d'aujourd'hui, KWK ne diffusera plus de rock'n'roll. Et cette semaine, nous casserons du rock'n'roll sur KWK. L'obscénité et la vulgarité du rock'n'roll rabaissent l'homme blanc et ses enfants au niveau du nègre. C'est une musique de nègre. Nous avons réuni un comité pour en finir avec cette musique bestiale et maléfique, le rock'n'roll. Nous pensons ici à Jersey City que le rock'n'roll, c'est de la dynamite. Et nous ne voulons pas que cette dynamite explose ici, à Jersey City. Spéciale la 500e et émission spéciale le coffret Bercy, et nous avons parmi nous Xavier Perrault aussi pour en parler. Alors dis-moi, pour résumer un peu tout ça, là, avec cette nouvelle production, hein, avec ça, oui, c'est parce que c'est une nouvelle production, il faut bien le préciser, hein, c'est un master, un mixage qu'il y a. Donne-moi un argument, pourquoi faut-il acheter, pourquoi, en quoi il est vraiment intéressant ce produit-là ? Il est intéressant parce que ces 5 lives-là, hein, et je dirais peut-être encore plus 87, 90, 92, 95, il y a une montée en puissance extraordinaire de la scène Hallyday. C'est-à-dire que, bien évidemment, il a fait d'autres concerts par le passé qui sont très importants. Il n'a pas arrêté de faire de tourner. Donc, on le sait, c'est un homme de scène. Mais là, il y a une production qui prend une ampleur qu'elle n'a jamais prise auparavant, quoi. Et qui va l'accompagner, donc, comme je le disais, au Parc des Princes, mais après au Stade de France, etc. C'est-à-dire qu'il rentre avec l'avènement des albums de Berger et Goldman. Il rentre dans ce que, d'ailleurs, c'est Patrice Golupeau qui utilise ce terme. Il parle de décennie fabuleuse. C'est-à-dire de décennie qui va l'emmener jusqu'à la Tour Eiffel 2000, qui va l'emmener jusqu'à... Parc des Princes, Stade de France, Tour Eiffel. Parc de France, etc. Donc, et c'est là où Camus le surnomme, entre guillemets, le taulier. Voilà, parce qu'il devient le patron, quoi. Et quand on voit la production autour de ces concerts-là, aussi bien d'un point de vue son que d'un point de vue mise en scène, que d'un point de vue décor à partir de 92, enfin, je veux dire, il y a peu, il y a même pratiquement pas d'artistes français qui peuvent se permettre de faire ça. Et qui c'est pas tellement d'ailleurs que non, il y a peu d'artistes qui veulent faire ça. Et Johnny veut le faire. Il veut ça. De toute façon, Johnny faisait à peu près 20 représentations à chaque fois. Ouais, à chaque date, bien sûr. Chaque rendez-vous Bercy, c'était 20 dates minimum qu'il faisait, sauf en 2003. Non, il fait deux semaines et demie quasiment à chaque fois. Ouais. Et je crois qu'en 95, il a dû faire 3 semaines. Mais ce qui est remarquable dans cette histoire et dans ces concerts, c'est aussi quand tu prends l'ensemble des titres qui sont chantés, c'est une alchimie entre des titres d'un album qui vient de sortir, qui est le support du spectacle, des titres incontournables de sa carrière et des titres qui à chaque fois qu'on va chercher dans son répertoire et qui ont marqué un moment de l'histoire. Et donc tu as quand tu prends ces 4 concerts, ces 4 Bercy, et aussi le 2003, mais si tu prends tout ça dans sa globalité, tu as un parcours de l'œuvre de Johnny Hallyday qui est absolument incroyable. Et donc, et l'intérêt donc du coffret qui sera disponible le 2 décembre, c'est là aussi, c'est que là, on redécouvre en même temps ces concerts, on retrouve un peu cette alchimie qu'il y avait, et on retrouve une puissance, une nouvelle puissance également de ces concerts, grâce à ce mix. Tu viens de le dire mieux que moi, oui, bien sûr, le but étant, encore une fois, c'est que ce qu'on propose là est quelque chose de neuf, que les fans ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas entendu. Ils ne l'ont pas entendu, ils n'ont jamais entendu ces concerts comme ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr. À l'exception du 2003, mais sinon, pour les autres, ce sont vraiment des nouveautés à part entière. Et le tout, donc, avec ce DVD bonus de 2h30, je veux dire que il y a longtemps qu'on n'a pas proposé, à ma connaissance, autant d'images inédites de Johnny de cette période-là, avec un livre de 160 pages, bourré de photos, 20 vinyles, c'est pareil, 20 vinyles. Qui, aujourd'hui, quel artiste à part les Beatles ou les Stones, peuvent se targuer d'avoir un tel coffret, de bénéficier d'un tel coffret. Johnny de A à Z, la 500e émission. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. À Saint-Lejean 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont toujours gris, derrière un terrain vague où se trouve l'étonné. Dans un berceau de fer, je le fais grandir. Je ne t'en pas si je ne sais pas ce rire. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue, dans la rue. Ouais. choisi de faire pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare, assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais. J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Pas se sont serrés depuis je n'ai pas changé. Oh oui, je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Je ne vis plus où les murs sont aujourd'hui. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Je suis né, je suis né, je suis né et dans la rue. On parle avec respect et je dis monsieur les rois. On choisit mes amis les meilleurs qu'ils soient. On voudrait me faire changer mais c'est une cause perdue. Perdez votre temps, moi je retournerai à la rue. Lorsque je suis né, wow, dans la rue, dans la rue. Spécial coffret Bercy dans l'émission Johnny de la Z qui fête sa 500e émission. Et vous avez reconnu Je suis dans la rue, extrait du Bercy 90. Xavier. Petite question sur les vinyles. Pourquoi un concert sur 4 vinyles? Bah, c'est pour une question de place en fait. Le problème c'est qu'on peut mettre 20 minutes voilà, sur un vinyle. C'est du point de vue qualité voilà. De son et place. C'est-à-dire que si vous dès qu'on dépasse les 20 minutes, ça nous arrive de le faire, c'est pas une règle absolument intangible, mais dès que vous dépassez les 20 minutes, la gravure que vous faites de votre vinyle, les sillons de la gravure sont plus étroits, plus ramassés. Et à partir de là, la qualité on s'en ressent. Donc il faut essayer le plus possible de rester dans ces 20 minutes pour avoir une qualité de son, une gravure qui soit bien, qui soit bonne. Donc 20 minutes, ça va très vite. Mmh. Le concert ne peut tenir que sur plusieurs vinyles, et en général, c'est 4. Les derniers vinyles qu'on a sortis, que ça soit la réédition du Stade de France en 98, ou celle du Parc des Princes il y a quelques années, on est sur 4 vinyles, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen, quoi. C'est techniquement impossible, à moins d'enlever des chansons. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être le plus exhaustif possible. Et le but aussi, je précise, parce que souvent, quand on éditait des vinyles à l'époque, bah, y avait un montage, des choses qui étaient coupées, pour pouvoir enchaîner plus rapidement. Couper, chansons raccourcies. La volonté, exactement, éditer. Là, la volonté, c'est de laisser exactement enfin de laisser le concert se dérouler dans sa continuité et de permettre aux gens qui écoutent le vinyle ou le CD d'avoir exactement le même master, le même son. Pour ceux qui l'auront, oui, ce que j'ai sur le CD, je l'ai exactement sur le vinyle, et vice-versa. Exactement, et vice-versa, exactement. Non, le DVD, c'est autre chose, parce que donc le DVD, c'est, il est remasterisé. Donc, c'est-à-dire que c'est le son. Alors, le DVD, les 4 DVD de 87, 90, 92, 95 sont restaurés. D'accord ? Là, pour le coup, on n'a pas pu repartir des rushs d'origine. On les a plus, ces rushs, hélas. On est reparti de notre master vidéo qu'on a restauré. Voilà, qui a fait l'objet d'une restauration. Sachant que on parle de captations qui ont été faites dans les années 90, qui étaient faites sur des bêta, il est certain que l'évolution technique, la technologie du cinéma entre ce qui se faisait à l'époque et le 4K qui peut se faire aujourd'hui en vidéo, il y a un gap, il y a un écart entre ces images filmées donc dans les années 90 et celles qu'on pourrait filmer aujourd'hui, qui est énorme, d'accord. Donc on s'est attaché à essayer de faire en sorte que les images soient de la meilleure qualité possible. C'est vrai, dès qu'on est sur des plans resserrés, des plans assez proches, la qualité est optimum. C'est plus compliqué quand on est sur des plans larges, où là, le grain fait que de toutes les façons, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. À un moment donné, il n'y a pas de miracle. On est limité, ça c'est sûr. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Premier comparatif de Bercy 90 avec le titre « Je ne suis pas un héros ». Nous allons commencer par le point B, c'est-à-dire le mix 2022, avec le point A, Bercy 90 d'origine. We're gonna kill the father. S'accroche à mes larmes, je sais, mais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Oui, je sais qu'elle le rêve, mais ça leur fait du bien. Et à coups de pied dans l'âme, oui, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Mais pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. On retrouvera dans quelques instants le titre « Je ne suis pas un héros » dans son intégralité, mixage 2022. Jean-François, évoque-nous Bercy 90. 90, il y avait eu l'album qui était sorti à l'époque, puis l'intégrale 2003 sur lequel exactement. Il n'y avait quasiment pas de retouches. Simplement, l'idée de l'intégrale en 2003, c'était de faire en sorte que les concerts soient complets. Et donc, pour le Bercy 90, il y avait, si je me souviens bien, un ou deux titres qui n'étaient pas sortis dans le live, qu'on a dû rajouter. Et là, on a une couleur qui est très rock. C'est un vrai retour pour Johnny, ce Bercy 90 aux fondamentaux du rock, à la fois dans le look et à la fois dans le style de musique. Les premiers titres du Bercy 90, c'est un enchaînement de titres successifs très rock. Je suis dans la rue, mon petit loup, les vautours, j'en passe et des meilleurs. Et la première balade, elle arrive à la 7e ou 8e chanson. Quoi. Et donc, c'est cette couleur-là. Donc, j'ai essayé de leur apporter ces souvenirs. Alors, évidemment, il y a plein de titres qui m'ont scotché, marqué. Chaque spectacle a ses temps forts. Et donc, on a insisté sur beaucoup de chansons, beaucoup de titres pour dire voilà, et ça, c'était vraiment des temps forts du spectacle. Et il faut vraiment là-dessus. Faire un travail optimum parce que c'est tu prends 90, ben Diego et Je suis pas un héros sont les deux titres qui ont marqué les esprits parce qu'on ne s'attendait pas à les entendre, parce bien sûr. Que c'était la première fois qu'il faisait Diego, et puis que Je suis pas un héros, tout le monde l'avait oublié tellement ça avait été un flop à l'époque, donc qu'il la ressorte et qu'il fasse cette version absolument époustouflante qui était un single d'ailleurs après. Il n'y a pas un single, tout à fait. Et bizarrement, ça m'a toujours paru surprenant qu'il ne la rechante pas dans d'autres spectacles après. Alors en travaillant sur ce projet, j'ai passé beaucoup de temps à éplucher des vidéos, et il l'a répété pour un autre spectacle, mais ils ne l'ont pas gardé dans le tracklisting final. C'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Johnny de A à Z, la 500e émission. Le cœur est un moteur. Il invente des rêves, des musiques, des mots, des villes. Et il invente le futur. Cadillac est parti un jour du sud de la France, les mains dans les poches et un chagrin d'amour dans le cœur. C'était il y a bien longtemps, quand on pouvait encore marcher vers l'ouest, fonder des villes. Cadillac a fondé Détroit, la capitale des moteurs et du rock'n'roll. C'est pas un hasard, c'est le destin. Je puis courber les chines, je puis saluer bien bas. Je veux plus que les gens d'en haut passer me voient pas. Je vais semer aux Amériques, je vais inventer des lois, du métro et des usines, je vais fonder les toits. Cadillac, oui, il était comme ça. Cadillac, si on ne t'aime pas, tu t'en vas. Cadillac, oui, il était comme ça. Cadillac, Antigone et près de Toulouse, Garonne, oui. Je veux plus vivre dans une cage, je veux plus planter de tabac au sud de la Loire. T'es rien si t'es pas roi des rois. J'm'en vais fonder une ville bleue, oui, j'm'en vais fonder Détroit. Nous jaillirons des usines et un robe de combat. Cadillac, oui, on est tous comme ça. Cadillac, si on t'aime pas, tu t'en vas. Cadillac, mais il était comme ça. Cadillac, un petit gars comme toi. Yeah. C'est la 500e émission de Johnny de AZ ici sur RIG. Je reçois aujourd'hui Jean-François Chenu et Xavier Perrault pour nous parler du fameux coffret Johnny à Bercy. Mais avant de les rejoindre, nous allons encore écouter Jean-Étienne et Geoffroy du studio Townhouse pour nous parler de leur travail sur ce mixage. De toute façon, on retrouve aussi dans le Bercy 95, par exemple, les guitares, ou même 92, ou même dans tous les autres, on va dire. C'est comme s'il y avait une stéréo élargie, en quelque sorte. On a vraiment les guitares sur chaque enceinte, et il n'y a pas du genre ce mix central. Il n'y a plus ce mix central de guitares. On ne sait plus qui joue quoi, on ne sait plus quel guitariste joue telle ou telle note. Bah, si tu veux, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que les contraintes de ces grands lives, c'est-à-dire que quand t'as déjà beaucoup de micros d'ambiance, et ces micros-là, ils prennent déjà beaucoup de scènes, en fait, hein, de son de scène. Oui. Donc, si en plus, avec tous les micros, tu te mets à tout monter, c'est un bordel pas possible. L'idée, à cette époque, en tout cas, c'est d'ailleurs super bien fait, c'était d'avoir la salle et de savoir où se situait le morceau. Est-ce qu'il est plutôt, il tient sur la basse, sur la batterie, est-ce qu'il tient sur la guitare, il tient sur le piano, avec évidemment la voix toujours devant. Et puis, donc, on montait ça, et puis, côté de ça, il y avait un petit flou artistique, mais on va dire qu'on laissait la salle faire le reste, c'est-à-dire que les autres instruments étaient un peu floutés comme ça. Là, l'idée, ça a été justement de pouvoir redonner la place à chaque instrument et qu'on les entende vraiment tous bien. Donc, et sur le champ stéréo, y compris. Voilà, donc On est devant la scène, en fait, finalement. Donc le guitariste, il est tout à gauche, l'autre guitariste est tout à droite. Voilà. Les claviers sont plus au centre. C'est caricatural ce que je vais dire, mais on a souvent l'impression, dans des grandes salles comme ça, quand on écoute les lives, de les écouter un peu du fond de la salle. Là, c'était encore une fois vraiment, on est plutôt devant la scène, quoi. Comme je le disais, on redécouvre le concert. On le redécouvre. Ouais. C'était l'idée. Dans le global, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment qu'on sente, quand on ferme les yeux et qu'on mette par exemple le casque sur les oreilles, qu'on sente qu'on assiste au live, mais qu'on est vraiment proche, quoi. Qu'on voit les gens jouer et qu'on les entend. Qu'on les entend où ils sont, enfin, qu'on entend où ils sont sur la scène. C'était vraiment l'idée, quoi. C'est tout à fait réussi, justement. C'est ce qui est réussi. Merci. Et puis qu'on sente vraiment Johnny en face, quoi. Ah oui. Et pas au loin dans la réverb. C'était vraiment l'idée. Évidemment, c'était des choses qui n'étaient pas possibles dans les années 90. Même avec la meilleure volonté du monde, je pense que ça n'aurait pas été possible techniquement. Un des gros travaux que vous avez pu faire, c'est justement la mise en avant de la voix de Johnny, qui est très saisissante, qui est vraiment, vu qu'elle est, on va dire, quelque sorte, elle est canalisée, ouais. Bien canalisée, elle ressort, mais d'une force, c'est incroyable. Ouais. C'était l'idée, ouais, clairement, parce que dans les autres lives, on sent qu'ils ont aussi fait ce qu'ils pouvaient, pareil, avec la repisse, avec la mauvaise utilisation entre les micros, et du coup, nous, à partir du moment où le micro de la voix, on a pu enlever toute la repisse, on a pu le monter, et tout de suite, on l'entendait très bien, quoi. En plus d'être reparti des captations qui, pour le coup, n'ont jamais été éditées. Parce qu'en fait, en général, ils captent, ils enregistrent entre 3 et 5 soirs sur tout le show. Et à l'époque, ils choisissaient un soir et ils déroulaient ce soir-là. Enfin, ils mixaient ce soir-là. Nous, on a refait un montage à partir de soirs non édités. Et puis surtout, on a tout laissé. C'est-à-dire qu'on n'a rien coupé, on n'a rien... souvent aussi, ils raccourcissaient un peu les titres. C'est vrai. Pour des raisons éditoriales, évidemment, nous, on a tout laissé tel quel. Même les speeches, dans le 95, ils parlent beaucoup, par exemple, à un moment. On a tout laissé Avec Françoise, par exemple. Voilà, effectivement. C'est un jour de semaine, je pense qu'il était plus relax. Et ouais. Du coup, ce soir-là, il parlait plus, quoi. Donc, on a gardé tout ça. Ouais. Mais justement, c'est ce qu'il faut garder. On aime beaucoup le Johnny Lucas qui parle, qui improvise entre chaque morceau. C'est ça, au lieu d'avoir un truc carré, c'est-à-dire que, comme on a pu entendre les dernières années de Johnny en concert, c'était du millimétré, il n'y avait aucune impro, même pour les vues musiciens, il n'y avait plus d'improvisation du tout. Là, on sent encore un peu qu'il y a un peu d'improvisation, et même il y a des speeches entre chaque chanson, et c'est génial, ça. Justement, de découvrir ça, ouais. C'est génial. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que même si le spectacle est au cordeau, évidemment, c'est une grosse machine, donc les titres sont quand même essentiellement les mêmes, et puis le spectacle se déroule de soir en soir. C'est vrai qu'au niveau des titres, ça reste sensiblement la même chose, mais effectivement, il y avait encore beaucoup de place à l'impro, que ce soit chez les musiciens et sur l'ambiance du moment où ils disaient ce qui ressentait sur sur ouais, le soir. Puis en fonction du public, les morceaux durent plus ou moins longtemps, les solos sont pas les mêmes non plus, des fois il y a vraiment des trucs différents. C'est vrai que les, en général, les soirs qui sont captés dans la semaine sont plus relax, et c'est vrai qu'on s'est, on a utilisé plus souvent les soirs de semaine plutôt que les week-ends. Johnny de A à Z, la 500e. Les comparatifs A, B. Deuxième titre de Bercy 90, Je suis né dans la rue, toujours avec le même principe, B vers A. Souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare, assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Ouh. Oh, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Chaud, c'est samedi soir. Well, it's Saturday night and I just got paid. I'm trying to save money. Jenny, Jenny, Jenny, won't you go along? Ah, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, plus tard, ça. Since my baby left me, I find a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street 2, halfway to tell the officer. Non, plus tard, plus tard, plus tard. On a le temps, vous n'êtes pas pressé. Ce soir, on a tout notre temps. De la lame qui court, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Oui, quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train. Oui, même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qui brûle, puis toucher les femmes qui me tendent les mains. Qui me crie qu'elle m'aime et dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas aéro. Et ton pas me colle à la peau. Je ne suis pas aéro. À croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas. Quand les cris de femmes s'accrochent à mes larmes, je sais mais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Je sais qu'elle rêve, mais ça leur fait du bien. Oui, à coups de pied dans l'âme, oui, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Mais pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, pas par ce que disent les journaux. Johnny dans la chaleur de Bercy, c'était la captation du 29 septembre 1990. Il y a aussi quelqu'un dont il faut parler quand tu évoques les Bercy, je pense que c'est de Jacques Rouvérolis. Mmh. Parce qu'à chaque fois, il a créé des lumières toujours différentes. Il est dans le DVD, Jacques Rouvérolis. Alors, il est dans le DVD, il est dans le 6e DVD, bien sûr, celui qui raconte les... Ils sont de Bercy. Oui, ils sont tous les trois. Il y a Bernard Schmitt, il y a Roger Abriol, qui est directeur de production, et il y a Jacques Rouvérolis. Et Jacques Rouvérolis, il a les moyens, bien sûr, on lui donne des moyens, mais il est extrêmement créatif, il est extrêmement inventif, et chaque Bercy a une couleur différente, et une façon d'éclairer qui est différente. Exactement. Et pareil, 90-95, les deux fois, j'avais beaucoup aimé. En 90, cette espèce de tableau asymétrique qu'il faisait avec des... Chaque chanson était presque un mini-clip, quoi. Tu vois, c'était tellement... C'était bien fait. Et puis en 95 aussi, ces éclairages sont... La dominante de jaune, d'orange, je trouve que c'est très réussi. Mais c'est un magicien de la lumière, il a fait des choses extraordinaires, il a éclairé Johnny partout, et il disait moi j'aimerais l'éclairer, mais non, j'aimerais le voir tout seul sur la scène de l'Olympia avec un projecteur, il serait extraordinaire. C'était sûrement le cas, et ça s'est jamais produit. Mais Rouvérolis, très important dans tous ces Bercy. Alors, évidemment, dans les DVD qui ont été restaurés, l'image a été restaurée, et il y a quelques magnifiques séquences visuelles. Il y a un titre qui m'avait scotché, mais comme beaucoup d'ailleurs, c'est pas personnel, c'est rien d'original, mais en 90, la façon dont il éclaire Johnny sur Diego, avec ses lasers verts, c'est extraordinaire. Quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Johnny de A à Z, la 500e émission. L'envie, par exemple, l'envie, un des vraiment des plus beaux souvenirs que j'ai, bah, c'est le final du Bercy 90. Mmh, c'est la première fois qu'il y a un orchestre symphonique. Oui. On s'y attend pas du tout, là c'est pareil, peut-être dans un concert qui dure plus de deux heures, qui est extrêmement rock, cuir, c'est Cadillac, hein, c'est l'esprit Cadillac, l'esprit de l'album qu'il a fait avec Rod Agile. Et puis à un moment, il sort de scène, il revient, c'est un autre Johnny. C'est Johnny plutôt looké... costard-cravate. Looké berger, qui porte un costard, une cravate grise, argentée, une chemise noire. Et puis il y a un plateau qui a monté un orchestre symphonique. La scène était très large, était immense hein, sur Bercy. Et donc tu as un plateau qui monte un orchestre symphonique. Et il fait deux titres, de Goldman d'ailleurs, ouais. Je te promets, et puis l'envie, dans un déluge de lumière incroyable, une espèce de folie. Et cette version de l'envie, j'ai toujours trouvé absolument exceptionnelle. Mais dans les autres Bercy, l'envie est toujours un titre important du spectacle. Et c'est une chanson, d'ailleurs, dans le dernier livre auquel j'ai travaillé, on a eu le plaisir d'interviewer Michael Jones, complice de Jean-Jacques Goldman, qui était évidemment présent à l'enregistrement de Gang, et qui dit à quel point cette chanson, Johnny a ressenti tout de suite l'intérêt qu'elle avait, la puissance du texte. C'était vraiment une chanson taillée sur mesure pour lui, et ça ne faisait aucun doute dans son esprit. Donc elle est d'ailleurs dans tous les track listings de tous ses spectacles, fait avec Gabriel et La musique que j'aime. Je crois que c'est les trois titres qui sont les plus joués, qui sont toujours au répertoire. Tout à fait. Donc là, on a des versions dans ces Bercy, on a des versions. La première, dont tout le monde se souvient, parce que c'est aussi un effet de scène incroyable, c'est quand il traverse cette espèce de rideau d'eau. Tout ça, qui se croise. Dans leur livre, les trois mousquetaires, Imbriol, Schmitt et Rouvérolis, racontent qu'en fait, l'eau, elle était chaude. Il fallait que ce soit de l'eau chaude, parce que sinon, il serait sorti probablement avec la crème. Ça n'a pas été évident à monter. Mais ça a fait un effet qui a marqué les gens, visuellement, qui a marqué les gens. L'obscurité, puis la lumière. On me donne à la fin la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est là, du secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la peine pour que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil, et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, et oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, et le désir, et le plaisir aussi. Comme elle donne l'envie, l'envie d'avoir envie. On me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère pour respecter l'argent. Oui, pour que j'aime être sain, battre la maladie. On me donne la nuit pour que j'aime le jour. Pour que j'aime le jour qu'on me donne la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix. Il faut l'envie de vivre, et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Comme me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. merci. La 500e émission. Émission spéciale Coffret Bercy. Mes souvenirs d'amour reviennent tout de ma vie. Normandie n'aura pas d'empire dans le pays des vivants. Je recommencerai la messe que j'ai faite. Je ne recommencerai à Je ne recommencerai non jamais. Na na na na na na jamais. Je ne recommencerai non jamais. Je ne recommencerai jamais. Na na na na na jamais. Je ne recommence jamais. Jamais. Johnny Hallyday sur un RIG avec Voyage au pays des vivants, extrait de la captation mixée et remasterisée du 25 septembre 1992. Jean-François. 92, on est dans une coloration, une couleur plus blues, rhythm and blues. Il y a un côté très blues dans le spectacle, mm-hmm. et un peu noir d'ailleurs, hein, qui fait suite à l'album Ça change pas un homme. Et il y a la présence de Luther Allison qui renforce ce côté-là. Et puis il y a un côté aussi rhythm and blues avec le retour d'un titre comme Je veux te graver dans ma vie, qu'il n'avait pas chanté depuis des années, qui va devenir à la fois presque un nouveau tube, il va avoir une nouvelle carrière. Et puisqu'il est sorti aussi au single. Il est sorti en single. Et à partir de ce moment-là, il l'a quasiment toujours mis dans ses tours de chant. C'est une chanson qui revient et qui va rester de nombreuses années dans plein de spectacles. Et donc là, il y a côté cuivré qui est très important. Les versions de Hey Joe, Je veux te graver dans ma vie, sont des versions qui ont une puissance et un son au niveau des cuivres qui est impressionnant. Merci. Bonsoir. Entendez-vous ce soir? Bien. C'est vendredi soir. Et comme tous les vendredis soirs, on fait exploser Bercy. Vous savez que pendant ces deux années, vous m'avez drôlement manqué. Merci d'être là ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous aime. Dire qu'il n'en existe pas, car pour moi tu es la seule, car pour moi tu es la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me troubler. Ta façon, oui, de m'embrasser, fait crier. Pour moi tu es la seule, car pour moi tu es la seule. T'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. On te voit les garçons avec le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Soit te dire enfin toute ma joie. Car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Oui, te murmurer me fait rêver. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. La seule. Oh, si joli, mais que ces filles dans les journaux. Faut voir les garçons, arrête le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin, tu t'aimes ma joie. Car pour moi, tu es lâche. Ta façon envie de m'embrasser, c'est me troubler. Ta façon envie de murmurer, me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Car pour moi, car pour moi, car pour moi, tu es la seule. Vraiment la seule. Oh. La seule. Merci. Johnny de A à Z, la 500e émission. Souvenir, souvenir, souvenir. Le Bercy 92, il est d'une, en fait, il est très original. Il y a des arrangements qui sont très particuliers. C'est Yannick Top qui est l'arrangeur. Et notamment, par exemple, la version de Que je t'aime, il y a une intro qui est tout à fait originale, qui est très différente de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Il y a des moments délicieux. Pour moi, Tu es la seule, c'est un moment absolument formidable parce que c'est une chanson qu'on s'attend pas du tout à entendre et qui renaît. Qu'on pensait oublier même carrément. Ouais. Ce spectacle, il l'a reprise après, il l'a reprise à Vegas aussi. Oui. Mais vraiment, c'est une belle réussite. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Les comparatifs A B. Pour Bercy 92, il y aura deux extraits. Le premier que je vous propose, ce sera le titre « Derrière l'amour ». Nous partons du point A, version 92, au point B, version 2022, en alternance. J'ai besoin de tes mains sur moi et de ton souffle et de ta voix. De tes joies, de tes plaintes, de tes cris, de tes craintes. Oh. Et tant besoin. Chez toi, hey Joe, hey. Et viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. qui m'attend chez moi, je le sais. Où rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Hey Joe, le chômage, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Comme tu dis, la vie, c'est le métro à 6h et chacun pour soi. Mais pour toi, Joe, y'a toujours une place. Mais pas pour moi, non. Pour toi. Encore une fois, l'intérêt de ce Bercy 92, qui est d'une richesse dans les tonalités et les couleurs, que j'avais, moi, un peu zappé, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Et j'aurais vraiment écouté ce concert avec énormément de plaisir. Ah, on précise vraiment qu'on écoute ces concerts-là, mais avec grand plaisir, on les redécouvre, c'est incroyable. Il y a un titre aussi qui revient, qui ne l'a pas chanté pendant longtemps, c'est « Derrière l'amour ». Qu'il fait dans la deuxième partie du spectacle. Et oui, il n'a pas chanté depuis 82, il me semble. Depuis le Palais des Sports 82. Oui, c'était pas au Zénith, c'était pas en 87, donc oui, tout à fait. 10 ans après, il a réinterprété. C'était un de ses grands succès des années 70. Et avec une nouvelle orchestration. Avec une nouvelle orchestration. Et il va le reprendre après dans plusieurs de ses concerts. Donc on ne va pas dire que c'est un laboratoire, ce Bercy, mais en tout cas des titres qui sont revenus sur le devant de la scène grâce à ce Bercy 92. Et j'ai aussi adoré la présence de Luther Allison, c'est un bluesman que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de voir. Sa prestation sur la guitare fait mal, moi cette version-là, c'est la meilleure de toutes, quoi. La version live, et je crois que ce qu'est le travail, la nouvelle version, le nouveau mixage sur cette chanson est incroyable, quoi. C'est un plaisir. Johnny de A à Z, la 500e émission. Sur sa guitare, au fond d'un vieux café, un peu de soleil sur le goudron mouillé. Les gens s'en vont, le jour va se lever. C'est la dernière chanson d'un amour blessé. Il y a la guerre quelque part, loin du café, comme un amour bizarre qui ne veut jamais rentrer. Tout ça est normal et la guitare fait mal. Quand il joue le blues, elle mange chaque soir la même chanson, la même chanson qui est toute son histoire. Et c'est son parfum qui t'a fait mal. Ouais. Y a pas si longtemps, il jouait pour pouvoir l'aimer, malgré les journées où il perdait sa vie pour la voir arriver. En venait la nuit, il attend la nuit, et cette femme aussi. C'est la 500e émission de Johnny de A à Z ici sur RIG. On retrouve à nouveau Étienne Geoffroy du studio Townhouse. Vous avez des difficultés sur un concert particulièrement ou pas? Non, pas spécialement. Non, il faut chercher, il faut trouver le bon équilibre. Après, on a souvent tendance à voir le... On peut voir la seule difficulté. Excuse-moi, je dis-moi, c'était sur les trois derniers morceaux avec les orchestraux du 90. Oui. Où là, pour le coup, même avec les outils actuels, l'orchestre avait été enregistré comme il a été enregistré. On sent que ça. Et du coup, on a eu beaucoup de mal à gérer. À le remettre un peu devant. À faire quelque chose de cohérent. Mais bon, voilà. Pourtant, les guitares étaient un peu plus effacées, mais là, elles ressortent plus quand même, les guitares, comparées à l'orchestre symphonique. Hein. Oui, bah, c'est pareil, on a dû prendre là quelques décisions et faire quelques compromis là-dessus. Mais c'est le seul moment où sinon le reste, vu qu'on a tout retravaillé, il y avait moins de compromis en fait que ce qu'il y a ici. Bah, sachant que si tu mixes aussi, tu sais un petit peu comment ça se passe. L'idée, c'est pas juste qu'on entende tout bien. L'idée, c'est de trouver la bonne glue, le moment où la sauce prend, en fait, hein, où le morceau se met à marcher et que l'énergie est là, quoi. Donc, il y a encore des difficultés pour trouver un peu ça. Mais bon, ça, c'est itinérant, c'est au mix en soi. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est pas vraiment des difficultés, quoi. On tourne un peu autour pour trouver le meilleur équilibre. Sachant que ça va pas très bien. Ouais. Il faut quand même admettre que sur les 4-5 soirs à chaque fois qu'ils sont captés, c'est assez dur de faire un choix parce que ça joue grave tout le temps. Mmh. Ouais, ils sont impressionnants. Ça se trompe pas en fait. Ouais. Et là tu dis, reviens sur celui-là. Attends, on reviens sur celui-là. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment, ça joue très très très bien. Et puis même Johnny, je pense qu'il y a pas, il se plante pas quoi en fait. Pas grand chose à dire sur la qualité du show quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les soirs ne sont pas enregistrés. Oui, parce que alors donc ça c'est la rumeur qui tourne que tous les soirs ont été enregistrés. Non, c'est vraiment fou parce que ça c'était pas possible, c'était beaucoup trop c'était beaucoup trop cher, c'est pas possible. Ils jouaient combien de temps? Moi je sais pas exactement, je suis pas un connaisseur. Dire en gros que à cette époque-là en 87, 90, 92, 95, ils faisaient 20 soirs en gros. Donc, il y a maximum, grand maximum, 4-5 soirs qui sont enregistrés. Voilà, parce qu'il fallait mettre le studio mobile, il fallait l'amener. Le voyageur, ouais, c'était voilà. Ça, c'était le studio mobile, il fallait l'amener, puis il était là, et de toute façon. Puis il jugeait que même derrière, ça faisait trop de dérochage, réécouter les 20 soirs, refaire. Ouais. Voilà. Il se disait, voilà, on prend ces soirs-là, il prenait le week-end, plus un ou deux soirs de semaine. Ils ne savaient pas qu'on serait dans cette démarche aujourd'hui, c'est ça surtout. Hein, c'est que, c'est ça. Il y a même beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui enregistraient des choses et puis une fois que l'album sortait, on jette. Donc en fait, c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été perdues comme ça, mais dans le feu de l'action, c'était ce qui était important, c'était l'album qui sortait, point. Hein. Nous, de toute façon, on a eu tout, on a eu toutes les bandes à notre disposition, 100% de ce qui a été utilisé, enfin enregistré. Donc ça, on peut l'attester sur notre honneur. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Les comparatifs A, B. Deuxième titre de Bercy 92 avec Hey Joe. On fait l'inverse cette fois-ci. On va du point B vers le point A. Hey Joe! Et cours pas comme ça, y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, on t'en mourra pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Thank you.

émission spéciale Coffret Bercy. Xavier Perrault. Il y a un live dont on n'a pas parlé, c'est le Bercy 95, qui est quand même celui de... Enfin, celui-là, autant Bercy 92 est, à mes yeux, gagne à être écouté. Celui de 95, on le sait, est assez mythique. Mmh. Cette partie unplugged est absolument géniale. Johnny est heureux, heureux d'être là. Il partage avec son public et c'est un vrai, c'est un très beau moment. Même temps, il y a des musiciens qui sont autour de lui, qui sont juste énormes, qui sont pas les mêmes de 92. On le sait, c'est des musiciens qui vont finalement ne faire que, j'ai envie de dire, à l'exception de Robin bien sûr, qui vont faire que cette tournée-là, ce show-là. Mais quel musicien, quel musicien. Mais la grande force de Bercy 95, c'est cette diversité dans la couleur musicale. T'as des passages très blues, avec les titres de Rolf Town, t'as du rock'n'roll, t'as du rock. Moi, j'étais vachement content qu'il rechante Ma Jolie Sarah. C'était un titre que j'adore et c'est un de mes préférés, donc je trouvais que c'était vraiment bien qu'il le fasse. T'as ce côté donc, acoustique, t'as un côté aussi de certains morceaux avec un peu cuivré. Donc, très très grande diversité, très très grande richesse musicale, plus diversifiée que sur les autres Bercy, qui ont une couleur, qui ont leur tonalité, sont dans un registre un peu similaire pendant tout le concert. Là, on se balade vraiment dans des univers qui sont très très différents. Oh, fuir le brouillard. Je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Et tout passe, et tout casse, et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans le mal. Et Félix est pour rien. Car tout change et tout passe, tout casse et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Et Félix est pour rien. Et tu passes, et tu casses, et tu lasses. Désir, le plaisir, le dilue dans l'espace. Et je n'y sais pas. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. L'avant-dernier rendez-vous sur les comparatifs A-B. Nous sommes à Bercy en 1995 et nous allons écouter Chercher les anges du point B vers le point A. J'ai attendu le monde et le monde est grand. Oui, un millier de secondes. Moi, j'ai subi le temps. Mais comme une pierre usée qui roule. J'ai attendu l'été. Mais l'été m'oublie. Se sont glacés et je vois la pluie comme un flot de larmes qui coule. Chercher les anges plus loin. Croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train et moi j'entre. Ouais. Elle commence sa journée toujours à l'heure. Moi, la lumière me fait peur. Elle a cette assurance inaccessible de ce qu'on a la chance de naissance. Elle est belle comme les filles du jour. Juste pour la regarder. À la voir, on devine des enfants coiffés, un homme, l'autre. La vie qu'on imagine avant de plonger, celle que je n'aurai jamais. va prendre son train et moi je rentre. Tous les matins, 5h40, elle va prendre son train, et moi j'entre. Johnny de A à Z, la 500e émission. Alors dans tous ces Bercy, à chaque fois évidemment on a des temps forts, des choses qui nous restent en mémoire, et il y a un moment qui, peut-être pour certains, le moment le plus fort de tous ces Bercy, c'est 95, c'est la séquence dite Unplug ou acoustique qui fait. Le premier Unplug de Johnny. Premier Unplug de Johnny, il va en faire plusieurs après, donc au Stade de France et ailleurs. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, mais la scène a été imaginée et construite avec un anneau. Et donc cet anneau, il s'avance et dans la foule, et au cœur de l'anneau, il y a quelques personnes, il y a, je sais pas, je pense 200 ou 300 personnes qui peuvent être au cœur de l'anneau, qui suivent évidemment le concert de très près. Et pour cette séquence Unplugged, Johnny s'avance en fait sur le devant de cet anneau, il y a une mini scène qui a été installée sur la gauche quand tu regardes le public. Et là, il est rejoint par ses guitaristes, Shane Fontaine, Robin Lemesurier, par Ian Wallace, son batteur exceptionnel. Il y a son harmoniciste aussi, Christophe Dupeux. Et puis le bassiste, Phil Soussan. Ils sont une petite formation. Et Johnny va commencer à créer et instaurer un dialogue avec le public. Et dans la nouvelle version qui est proposée, il y a vraiment un moment qui est croustillant. C'est le dialogue à Johnny avec une des spectatrices. C'est vraiment drôle parce qu'on n'est pas habitué tellement à ça, finalement. Et là, il se laisse aller, c'est drôle, c'est sympa, et ça met le public en joie. Comment vous appelez, Boula ? Françoise ? La jolie Françoise. Vous êtes de Paris ? Parisienne ? Moi aussi. Bon alors, Françoise, à nous deux. Ah ! Est-ce que vous êtes fiancée ? Non. Vous n'êtes pas mariée non plus. Vous avez un petit ami. Même pas ? Vous ? C'est vrai, ça ? Ben, j'espère que non, hein. Ah, quoi qu'il est pas mal, hein. Sportif, costaud. Bon, François, je vais vous chanter une chanson. Est-ce qu'on peut voir Françoise sur l'écran ? Vous la voyez tous bien ? Elle est pas mal, hein ? Bon, ça c'est pour vous, François. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu erreras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui. Le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir, au jour des regrets. Et toi bien, que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Moi, vous plaisez à mon guitariste aussi. Hein. Ah oui. Cette séquence-là, cette partie-là, avait un effet terrible sur le public. Et elle est très très bien rendue dans la nouvelle version, le nouveau mixage, le son des guitares est absolument superbe. Qu'on vous fait écouter tout au long de cette émission. Hein. Voilà. Et ça reste monumental. C'est vraiment top. Mais Charlie avait dit à son voisin Jean: nous aimons, je crois, la même fille depuis déjà longtemps. Faisons alors une course, et à travers tout le pays, celui de nous deux qui gagnera épousera nos sires. Hey! Quand pleuvait Charlie, tu gagneras. Ouais, la fille se rapporta. Jean avait une voiture, ouais, qui attirait les regards. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert les portes de son palais pour recevoir les jolis yeux verts de mademoiselle Lucille. Couple mes charriers, tu gagneras, ne te retourne pas. Couple mes charriers, tu gagneras, la fille sera pour toi. Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de peau sa vie, il courait les pieds nus et connaissait le pays, oui, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui soufflait dans le dos. Ouais, coupe les vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Coupe les vite, Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. Merci. Johnny Hallyday à l'instant avec Coupe vite Charlie, extrait de la captation du 23 septembre 1995, mixé et masterisé pour ce coffret Bercy qu'on vous présente dans cette émission spéciale. Jean-François, que peux-tu nous dire encore sur ce Laura Datour ? Un des sommets de tous ces Bercy, qui est la séquence Unplug, qui est la séquence acoustique qu'il fait et qui est restée en toutes les mémoires. Et donc ça, ils l'ont particulièrement travaillé et je crois qu'ils ont fait quelque chose d'assez remarquable. Et puis à côté de ça, on a une qualité, une espèce d'authenticité musicale qui, moi, m'a rappelé les années 70 que j'adore, une espèce de pureté dans le son, que le son rock, le son balade. Donc il y avait vraiment des, il y avait vraiment une couleur très très clean, très les instruments. C'était vraiment, les instruments étaient clairs, étaient très bien mis en avant. Enfin, c'était, voilà, sur le plan auditif, c'était vraiment un plaisir à écouter dans tous ces Bercy. Il y a évidemment quelques bons vieux rock'n'roll, parce que Johnny sans rock'n'roll, c'est pas possible. Et bien sûr, on retrouve, notamment en 95, une certaine Carole, qui nous a accompagné bien des fois. Et ce qui était très sympa dans ce Bercy 95, c'est que beaucoup de guitaristes sont venus sur scène jouer avec lui, Carole. Il y a eu Gilda Sarzel qui est venu assez souvent, oui. Il y a Colin James qui avait fait la première partie qui venait, il y a le guitariste de Toto, il y a Norbert Krief, il y a Paul Persson. Mm-hmm. Tu les vois quand tu épluches les bandes filmées entre autres par Golubo, tu vois certaines versions de Carole avec ces guitaristes-là. Et tu vois même Gilda Sarzel faire un soleil. Et Gilda Sarzel, c'était le groupe Canada et qui avait enregistré donc Lorada avec un magnifique album qui sert de support à ce Bercy 95, avec Quand le masque tombe, avec Ne m'oublie pas, avec Chercher les anges, avec J'accroisse tous les matins, avec Lady Lucille. Autant de titres absolument, absolument réussis. Je danse dans mes bras mais tu es loin de moi. Oui, tu penses à celui qui ne viendra pas. Mais je crois bien que c'est lui que j'aperçois là-bas. Il vient tout droit mais toi aussi tu lui souris déjà. Il est trop tard, pour moi c'est bien fini. Et oui déjà on dirait qu'il a changé d'avis. Il y a trop de joie dans ses yeux, c'est bien fini pour moi. Oh, chaos! Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Nous allons encore écouter Jean-Étienne et Geoffroy du studio Townhouse pour nous parler de leur travail sur ce mixage. Combien de temps donc vous avez mis pour travailler sur ce mix ? Ça a été assez long. Parce que bon, assez long, ouais. Entre le travail juste déjà, il a fallu numériser. Il y a eu la numérisation des multipistes, donc des bandes. Parce que en général pour un soir il y a 3-4 bandes, vu qu'il y a 4-5 soirs ça fait pas mal de bandes, ouais, à numériser, sachant que en plus c'est un truc technique, mais il faut les cuire ces bandes et puis il faut les magnétos qui vont avec, voilà. Et après il faut faire le travail du son, d'écoute, de montage, de savoir ce qui a été pris, de nettoyage, ça nous a pris 5-6 mois en tout, ouais, quoi. Ouais. Mmh. 5-6 mois pour ce mix-là, sans compter que vous travaillez sur d'autres projets également. Ah oui. On vient de finir l'intégrale Sardou, là, par exemple. Donc, du millésime, c'est ça ? Ouais. Ouais. Oui. On a trouvé les inédits. les inédits dessus. non, effectivement, c'est un travail qu'on a fait en parallèle. Mais bon, on voulait prendre le temps de le faire correctement, donc voilà. Et on a pris le temps qu'il fallait, mais on n'a pas mixé pendant 6 mois, évidemment. Hein, là, non. J'entends. Il faut faire des pauses aussi également. Il faut se poser. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important. Hein. C'est vrai que quand je. Alors, moi, à ma petite échelle, quand je travaille sur un truc, au bout d'un moment, je fais une pause parce que j'en ai plein la tête et je ne vois plus clair. Donc, il y a besoin de se poser et après, on revient sur le sujet. Ouais, le mix en lui-même, c'est plus 15-20 jours par live. Ouais. Ouais, 15 jours par live. Et combien de temps sur un titre, par exemple, alors ? Ça se fait pas par titre. On n'est pas dans l'idée de mixer un album, parce qu'en règle générale, on peut mixer un ou deux titres par jour. Allez, on va dire un titre, histoire d'être un peu à l'aise sur un album. Là, le son, je vais pas dire que le son est pareil tout le temps, mais une fois qu'on en a un, on va au milieu, on en mixe un autre, on trouve l'équilibre global du live, et après on revient sur chaque titre. Mais c'est pas la même façon de mixer un album studio, quoi. Donc après c'est beaucoup d'automation, c'est de placer les choses, tout ça. Donc on peut pas voir ça par titre, en fait. C'est une espèce de modelage permanent, quoi. Mais bon, ouais, c'est en gros, si on ramène ça au jour, ça doit faire 3-4 titres par jour. Ouais, ouais, d'accord. Bon, Jean-Étienne, Geoffroy, merci beaucoup encore. Oui. Super. Écoute, super. C'était un plaisir, en tout cas, de parler avec toi. Merci du travail aussi que vous avez pu faire également. C'était un plaisir pour nous aussi. Ouais, c'était cool. C'est un bon moment à faire. C'est un bon truc à faire. Merci à toi. Et à bientôt, alors. Et bien, à très bientôt. Ouais, ça marche. Johnny de A à Z, la 500e émission. les comparatifs à B. Deuxième titre donc du Bercy 95, ce sera le titre Hot Legs, avec point A vers le point B, version d'origine vers la version 2022. Émission spéciale, la 500e, et émission spéciale, le coffret Bercy. Et nous avons parmi nous Xavier Perrot aussi pour en parler. Le sujet qui va... Il y a des gens... tu vois où je vais en venir. Ouais. Hein. Évidemment, alors, oui. Donc, on va dire le premier truc qui va frapper à la gueule des gens, hein, des potentiels acheteurs, évidemment, ou ceux qui étaient intéressés par le coffret, et puis une fois qu'ils ont vu le prix, donc il faut leur dire, il faut leur expliquer pourquoi a-t-on ce coffret. Le pourquoi, et là, est très simple et assez factuel, en fait. Au départ, si vous voulez, on ne s'est pas levé un matin en disant on va faire un coffret à 1000 euros. C'est pas l'histoire, elle ne s'est pas déroulée ainsi. Mmh. Justement, on travaille d'abord avec la fabrication. Voilà, on leur dit ce qu'on souhaite faire et ensuite on discute avec eux de comment le faire. Notre volonté était de tout regrouper ensemble et en fait, au fur et à mesure de l'avancée du projet, hélas, nos prix de fabrication ont augmenté de façon très importante. Il faut savoir qu'avec la crise qu'on vit actuellement et que vivent les gens, c'est-à-dire que le coût des matières premières, le coût de l'énergie, on a pris 40% d'augmentation entre le début du projet, il y a plus de 6 mois, et le moment où on l'a lancé en fabrication. Et on avait travaillé différentes pistes, différents prototypes, et à un moment donné, donc on s'est rendu compte que ça serait trop compliqué d'aller sur certains prototypes, et on s'est décidé sur celui du coffret, parce que le coffret métal a cet avantage, on a un produit qui fait à peu près 13 kilos, un petit peu moins de 13 kilos. Donc, il fallait qu'on s'assure que, rendu chez le client, il arrive en bon état. La seule façon qu'on avait de le protéger correctement, c'était de mettre une coque métal à ce coffret. Donc, ce qu'on a fait. Et ensuite, ce qui coûte cher, en fait, c'est pas tellement la coque, parce que la coque, bien évidemment, a son prix. Mais vous avez dedans 20 vinyles, que vous avez 10 CD, 6 DVD quand on compte le DVD bonus, et un livre de 160 pages. Donc, tout ça, pris bout à bout, qui prend 40% d'augmentation, parce que c'est ce qui s'est passé en fait en réalité, et ben vous arrivez au prix auquel on est obligé de le vendre aujourd'hui. Les affaires sont les affaires. Ah bah. dimanche ministère. Pas moi, non pas moi, je ne suis pas né fonctionnaire. La fabrication d'un vinyle est beaucoup plus chère que la fabrication d'un CD. Oui, le vinyle, c'est même pas du simple double. C'est un CD va coûter cinq fois moins cher qu'un vinyle. Un vinyle coûte cinq fois plus cher qu'un CD, au moins. Après, c'est une question de tirage. Voilà. C'est ça. Et donc, justement, le fait que ça soit évidemment édité à 1500 exemplaires, c'est sûr que ça change le prix également. Il y a une conséquence. La question qu'on s'est posée, bien évidemment, c'est que c'est fait partie des choses qu'on a étudiées, c'est de savoir combien on pouvait en faire. C'est très difficile, bien évidemment, quand vous êtes assis devant votre feuille de travail et que vous réfléchissez au potentiel du projet, de savoir s'il faut en faire 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. On a jugé que 1500 était le bon chiffre. Voilà. Et ça, bien évidemment, ça a aussi son impact sur le prix de vente, c'est certain. Mais je comprends en même temps que les gens le trouvent cher. Je comprends tout à fait. Mais encore une fois, c'était pas notre volonté à nous de le vendre si cher. Mais une fois qu'on était parti dans la production, on ne pouvait plus revenir en arrière. Et à un moment donné, en fait, le problème, c'est qu'on a vu le prix augmenter. Et voilà. Et aujourd'hui, à la date dont on parle, donc nous sommes le 17 octobre, qu'en est-il ? Qu'en est-il donc des précommandes ? Bah, on en a très peu pour l'instant, en toute honnêteté, en toute transparence. On va bien évidemment continuer à proposer aux gens de découvrir, et je te remercie par rapport à l'émission d'aujourd'hui qui va nous permettre de mettre en avant justement la qualité du son, parce que autant on peut montrer des images quand on poste des pastilles sur des vidéos sur Facebook ou sur YouTube. Donc là, les gens voient immédiatement ce qu'il en est. Pour faire écouter, entre guillemets, la différence, c'est plus difficile, et ton émission, je l'espère, va permettre aux gens de pointer l'oreille sur tout ce qu'on leur propose de neuf. Bah, je l'espère bien, parce que donc on va dire que les gens, pour l'instant, tout ce qu'on entend, hein, parce qu'ils n'ont pas encore écouté le produit, sauf le Hey Joe qui vient de sortir sur YouTube. Alors, le Hey Joe qui vient de sortir sur YouTube, oui, le Hey Joe qui vient de sortir sur YouTube, il y a deux parties. Il y a la partie répétition où là, c'est le son de la caméra. D'accord. Et ensuite, il y a la partie du live. La partie du live, c'est le son qui figure sur le master DVD. Voilà. D'accord. Donc, c'est le son d'origine du master DVD. Ce n'est pas celui qu'on entend sur la partie audio, sur les vinyles ou les CD. Donc, d'accord. Déjà, faut préciser cela aussi, hein, parce qu'il y en a qui peuvent faire l'amalgame, justement, de ça. Non. Non, le master vidéo est le même que celui d'origine. Il est simplement restauré. Le master audio, que ça soit sur le CD ou sur le vinyle, c'est une nouvelle captation, c'est un nouveau mix, ça n'a plus rien à voir avec ce que les gens ont entendu. On aura toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites, hein. Il y en a qui... Non, mais je comprends tout à fait, parce que c'est une grosse somme. Exactement. Bien sûr, je sais que c'est une grosse somme. Mais le problème, c'est que voilà, on s'est retrouvés, nous, à un moment donné, on a fait des choix et on s'est engagé dans une direction qui fait qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. On ne pouvait plus revenir en arrière. Et on voyait, hélas, le prix du coffret qu'augmentait, et on se disait, mais voilà. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi également, c'est que si ce coffret devait mal se vendre, il ne faut pas compter sur Universal de les éditer individuellement. Si ? Non ? Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas vendu l'intégralité de ces coffrets, on ne les sortira pas séparément, c'est certain. Et qu'aujourd'hui, le but est de vendre les 1500 coffrets qu'on a. Et pour vous dire encore une fois, hein, que ces masters-là, vraiment, valent le coup. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas du déjà entendu. Non, on redécouvre entièrement, intégralement tous les concerts. On reprend plaisir à écouter des concerts dont on avait un peu oublié, hein, qu'on s'était un peu mis de côté pour écouter soit une nouveauté, soit écouter des anciens. Et vraiment, c'est un grand plaisir de réécouter ou de redécouvrir ces concerts-là. Avec, encore une fois, un livre de 160 pages. C'est franchement un bel objet, quoi. C'est quelque chose qui restera, je pense. Et que peu d'artistes peuvent s'offrir aujourd'hui. Je vous dis, moi, je pense qu'en dehors des Beatles, des Stones, et de grands groupes comme ça, Metallica peut-être, des artistes de Queen, des artistes de cette envergure-là, que citez-moi un exemple d'un artiste français qui a un coffret, ne serait-ce que de 20 vinyles, déjà. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre y peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe, oui, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'oublierai prunes et blondes, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. Oui, on peut bien rire de moi, mais moi je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Oui, nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. au piano accompagné par Monsieur Jim Pan. Mon amour, plus de problèmes. Mon amour, puisque tu m'aimes. Merci. Bonne fin de soirée. À bientôt. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z, la 500e, avec en exclusivité le coffret Bercy, mixé et masterisé 2022. Je tiens à remercier tous les participants, je tiens à remercier le studio Tonehouse pour l'interview qu'ils m'ont accordée, et puis messieurs, je vous remercie également d'avoir assisté, participé à cette émission. Salut. Merci, merci, merci Xavier, merci Eric, merci Jean-François, ciao. À bientôt, merci, à vous deux. Au revoir. Bonne soirée, ciao. J'espère qu'on vous aura démontré l'intérêt de ce coffret Bercy, et je peux vous assurer que c'est un très très très bon produit. Je vous remercie à toutes et à tous également, vous, auditeurs et auditrices de l'émission Joey de A à Z, d'avoir écouté cette émission et je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.